aussi loin que tu peux. Cherche bien, cherche dans ta mémoire l'air que nous chantions tous deux. Après tant d'années passées, je le chante à ne pas croire. Toi, tu jouais du piano. J'admirais tes doigts fins. Moi, d'une voix malhabile, je courais après le ré, le do. Exaspéré, tu fredonnais. Nous finissions en duo. Je le chante à ne pas croire.